إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence الدرس السادس le sixième cours dans le livre دروس من القرآن الكريم et الدرس السادس le sixième cours ça parle de بيان الكفر والشرك في القرآن الكريم la clarification ou l'explication du kufr et du shirk dans le Coran, dans le Coran al-Karim. Le Cheikh il commence, il dit Tamhid. Tamhid c'est introduction. Al-Munasabatu bayna hadha al-mabhath wa ma sabaqahu anna takallamna an al-Islam wal-Iman. فلا بد من الكلام عما يضادهما ويخالفهما من الكفر والشرك لأنه لا يكفي أن يعرف الإنسان الحق فقط بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف ما يضاده لئلا يقع فيه فما وقع كثير من الناس في الكفر والشرك إلا بسبب الجهل بهما وعدم العناية بمعرفتها. Donc le chef il dit pourquoi la raison pourquoi on commence à expliquer aujourd'hui ce sujet dont on parle aujourd'hui al-kufr wa shirk, c'est parce que on a parlé précédemment de al-islam et de al-iman. Donc le chef il dit que c'est nécessaire de parler maintenant de qu'est-ce qui est contraire à ces deux choses là. C'est-à-dire Al-Kufr, c'est le contraire de Al-Iman, et Al-Shirk, c'est le contraire de Al-Tawhid et yani de l'Islam. Donc, il dit que c'est nécessaire de parler de ces choses-là parce que yani, beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur et dans l'égarement, dans le Shirk, et à cause de leur ignorance de la réalité du Shirk et du Kufr. Yani, c'est pas suffisant pour une personne de connaître la vérité. Il faut en même temps qu'il connaisse qu'est-ce qui s'oppose à la vérité en même temps, dans le but de ne pas tomber dedans. Hein? C'est comme Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il disait, يعني كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. Donc il disait, les gens avaient l'habitude de demander pour tout ce qui était bon, mais moi, contrairement à eux, j'avais l'habitude de demander toujours au sujet des mauvaises choses dans le but yani, pour éviter de tomber dedans. Yani. Donc ça, c'était l'habitude de Hudhayfa ibn al-Yaman et c'était une de ses caractéristiques distinctives yani, parmi les Sahaba. Il demandait toujours, par exemple, si les Sahaba demandaient au sujet du paradis, eh bien lui, Hudhayfa, il demandait au sujet de l'enfer. Si les gens demandaient au sujet de yani la force des musulmans et de l'union des musulmans, et bien lui, Hudhayfa, il allait demander au sujet de la division et au sujet des fitan, hein, des choses qui ont rapport avec la fitna. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de hadiths qui ont rapport avec les tests et les fitan qui se passent dans la Ummah. eh bien, sont rapportés souvent par Hudayfat ibn al-Yamad. D'accord? Donc, c'est un exemple. Et c'est sûr que la meilleure façon de connaître quelque chose, c'est en connaissant son opposé. Pour connaître la nuit, la meilleure façon, c'est de connaître le jour. Pour connaître qu'est-ce que c'est, yani, quelque chose qui est chaud, il faut connaître le froid. Donc, la meilleure façon de connaître quelque chose, c'est en connaissant son opposé. Et donc, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce que ça signifie. Et donc, en connaissant l'iman ou l'islam, c'est bien. Mais quand on connaît également leur opposé, eh bien, c'est bien facile d'éviter de tomber dans ces choses-là par la suite. الشيخ الذي والله جل وعلا كما أنه بين الإسلام والإيمان ووضحهما لعباده فكذلك بين الكفر والشرك من أجل الحذر منهما واجتنابهما لأن الكفر والشرك وقع فيهما سوء فهم وخطأ من كثير من الناس بل كثير من يدعون العلم يظنون أن الكفر هو مجرد الجحود والتكذيب فقط مع أن الجحود والتكذيب نوعان من أنواع الكفر كما فسروا الشرك بأنه الشرك في الربوبية أو قصروه على عبادة الأصنام. Donc le cheikh il commence en expliquant et en disant que la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué l'islam et l'iman, l'islam et la foi, et qui les a clarifiés pour ses serviteurs, et bien il a également clarifié al-kufr, la mécréance, et al-shirk, le fait d'associer avec Allah des partenaires et de faire l'idolâtrie. Il a clarifié également ces deux choses-là dans le but de prévenir ses serviteurs pour qu'ils évitent de tomber dans ces deux choses-là. Parce que le kufr et le shirk, yani, lorsqu'on regarde la question du kufr et du shirk, on voit qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions, yani, et des malentendus qui sont arrivés dans l'esprit de beaucoup de personnes au sujet de la réalité de ces deux choses-là. Yani, beaucoup de gens ont des erreurs ou des mauvaises compréhensions de qu'est-ce que signifie le kufr et le shirk aujourd'hui. Et le shirk dit que même parmi ceux qui prétendent posséder le ilm, hein, qui prétendent et qui se disent faire partie des gens du ilm aujourd'hui, eh bien, ils pensent que le kufr et le shirk se limitent uniquement à al-juhud et al-takzib, c'est-à-dire le fait de rejeter ou de renier quelque chose, al-juhud, ou al-takzib, le fait de démentir ou de traiter quelque chose, yani, de faux dans la religion. Et le chef dit, malgré que al-juhud, le fait de renier, et al-takzib, de traiter de mensonge, sont uniquement deux formes de kufr parmi plusieurs. Il y en a beaucoup d'autres formes. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître ces différents aspects de kufr pour être capable de comprendre la réalité de ce que signifie le kufr. Et le chef il dit, et également en ce qui concerne le shirk, parmi ces gens-là qui se prétendent des ulama, hein, eh bien, ils ont limité le shirk au shirk dans al-rububiyya, c'est-à-dire le shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient que le shirk, c'est uniquement de dire il y a un autre créateur avec Allah, ou il y a un autre Dieu qui contrôle l'univers avec Allah. Et donc, le fait de prendre des associés dans l'adoration pour eux, ça, c'est pas pour eux considéré comme étant du shirk si la personne dit il y a un seul créateur. Et on a déjà vu que ça c'est pas vrai, puisque même les gens de Quraysh qui étaient des mouchriquins, qu'Allah a déclaré comme étant des mouchriquins et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, hein, et ben eux ils disaient qu'il y a un créateur, un seul créateur, et malgré tout ils étaient des mouchriquins. Donc ça veut dire le fait de reconnaître un seul créateur, hein, sans cesser d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas suffisant pour être considéré comme un mouahid, pour être un musulman qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres parmi les gens de Dalal, ils ont considéré, yani, parmi les gens qui se disent ulama mais qui sont égarés, eh ben, ils ont considéré que le shirk se limite uniquement par exemple à l'adoration d'une statue ou d'une idole. Et ils considèrent que toute personne qui adore autre chose comme un être humain ou un wali, hein, comme les chrétiens, comme les soufias qui adorent par exemple leur chouyour, hein, eux ils considèrent que ça c'est pas du shirk parce qu'ils n'adorent pas des statues. D'accord? C'est seulement les statues pour eux qui sont des idoles et c'est seulement ça qui est considéré pour eux comme étant une forme de shirk. Hein? Alors qu'en réalité, le shirk, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est toute personne qui offre une forme quelconque d'adoration à autre que Allah. Peu importe que ce soit une statue ou un être humain ou autre. Hein? Donc, c'est pas uniquement les statues qui sont des formes de shirk. Hein? Et puis souvent ces gens-là, ils ont une shubha, ils disent « Ah mais les musulmans, yani les salafiyoun, et ceux qui suivent la da'wa de Muhammad Abdul Wahhab, la da'wa salafiyya, ils disent « Ah ces gens-là, ils ont appliqué les versets au sujet des mushrikines sur les musulmans, d'accord ?» Et ils ne comprennent pas en réalité que si ces versets de shirk, ou les versets à propos des mushrikines, s'appliquent sur ces gens-là, c'est parce que justement, ils sont des mushrikines aussi, parce que sinon, ils ne pourraient pas s'appliquer sur eux. Hein? Et donc, les versets du Coran ne sont pas révélés uniquement pour les gens sur qui ils étaient révélés, mais ils sont révélés sur toute personne qui rentre dans la description du verset, et, ou de, dans la description yani, du hadith ou du texte yani, qui est révélé. Hein? Et les ulama, ils ont une règle à ce sujet-là, ils disent, au sujet du tafsir, ils disent Al-ibratu bi'umum al-laf, la bi-khusus al-sabab. La règle qu'on doit prendre comme règle dans ce cas-là, c'est que c'est le général de qu'est-ce qui est général dans le verset. C'est ça qu'on doit, c'est à ça qu'on doit se référer et non pas au cas particulier dans lequel il a été révélé. Là, bi-khusus al-sabab, c'est pas uniquement la cause pourquoi le verset a été révélé. Si un verset a été révélé pour un sahabi ou une situation au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, ça veut pas dire que ça s'applique uniquement à cette situation-là. Mais c'est le verdict général qu'on peut tirer de ce verset-là qui est applicable à toute époque, puis à tout endroit, à tout lieu et à toute époque, peu importe, l'endroit ou le temps. Yani. C'est ça que beaucoup de modernistes et de yani, laïcs aujourd'hui comprennent pas ça. Ils pensent que, par exemple, si un verset a été révélé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, et bien ça se limite à ça. Et ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas savoir l'avenir. Et ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu une révélation d'Allah et que ce Dieu-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, eh bien, comme s'il pense qu'il ne pouvait pas lui prévenir à l'avance ou lui donner des règles qui allaient s'appliquer même jusqu'à aujourd'hui, comme si Allah n'est pas capable pour eux de faire des choses pareilles. Et ça, c'est bien entendu à cause de leur manque de connaissance et manque de foi en ce qui concerne la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse et sa miséricorde pour l'humanité, d'être capable de leur donner des règles et des lois qui s'appliquent. Ok. Donc, le cheikh, il dit ensuite, كثير من من يدعون العلم غلطوا في معنى الشرك فقالوا الشرك هو الاعتقاد بأن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله سبحانه وتعالى فيقصرونه بذلك على الشرك في الربوبية فقط مع أن الشرك الخطير الذي جاءت الرسل بإنكاره هو الشرك في الألوهية في توحيد العبادة ليس وليس مقصورا على الشرك في الربوبية بل إن الشرك في الربوبية لا يكاد يقع من أحد فغالب الأمم معترفون بتوحيد الربوبية وإنما حصل الخطأ والغلط والمخالفة في توحيد العبادة. Donc le cheikh il clarifie ça et il dit que beaucoup des gens aujourd'hui là qui prétendent le ilm, parce que la plupart d'entre ces gens-là qui sont considérés par beaucoup de gens aujourd'hui comme étant des ulama dans le monde musulman, hein, vous trouvez que en réalité c'est des gens qui font partie des sectes ou des gens qui font partie de certains groupes de bid'ah. Mais la plupart des gens ne connaissent pas aujourd'hui. Beaucoup de gens respectent et considèrent que, par exemple, Al-Azhar, les chouyours de l'Azhar, sont une référence dans les questions de religion. Hein? Et ils les respectent et ils considèrent que ces gens-là sont des gens de ilm et qui sont sur Al-Haq. Donc lorsque par exemple certains d'entre eux disent bon, moi j'écoute pas les chouïrs de l'Arabie Saoudite, j'écoute les chouïrs de l'Égypte. Hein? Tu vois, des fois tu sens que il y a cette tendance de la part de certaines personnes. Et j'ai remarqué ça souvent. Et Allah al-Musta'an, c'est dommage parce qu'en réalité, la question c'est pas l'origine d'un cheikh ou l'origine ou le pays d'où il vient. La vraie question qu'on doit se poser c'est quel est son manhaj, quelle est sa voie, qu'est-ce qu'il suit. S'il vient de l'Égypte et qu'il est sur le haq et qu'il se base sur le Coran et sur la Sunna, alors alhamdoulillah, on accepte ce qu'il dit. Et s'il suit la, bien entendu il suit la voie des salaf, on accepte ce qu'il dit. Mais si c'est par exemple tu refuses la position d'un alim juste parce qu'il vient d'un pays comme l'Arabie Saoudite, ou tu refuses la position d'un alim parce qu'il vient de la Syrie, ou tu refuses la position d'un alim parce qu'il vient de l'Inde ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là c'est pas une bonne base. Il faut regarder les principes et les fondements sur lesquels ces gens-là se sont fondés pour établir leur compréhension et leur jugement de l'islam. Et la plupart des ulama qui enseignent l'Azhar ou qui ont étudié l'Azhar, ils ont malheureusement une aqidah qui est batila, c'est-à-dire une aqidah qui est basée sur une bid'a, et c'est l'aqidah de l'Ash'ariya. Hein? Et cette aqidah, c'est elle qui est enseignée là-bas officiellement. Et ils étudient ces livres-là, comme par exemple Jawharatul Tawhid de Al-Bayjouri, qui est un livre sur l'aqidah al-Ash'ariya. Okay? Et quand ils enseignent le Tawhid, subhanallah, tu peux lire le livre, tu vas voir, subhanallah, quand ils parlent du Tawhid, c'est uniquement Tawhid al-Rububiya. Il n'y a pas question là-dedans de Tawhid al-Ibadah, aucunement. Okay? Et quand vous regardez la question du Tawhid, ils vont parler de le fait que Allah c'est le seul créateur, qu'il existe, les preuves de son existence, mais uniquement en se basant sur des soi-disant preuves rationnelles. Vous n'allez pas trouver aucune preuve du Coran, des hadiths, des ayats, rien. C'est en grande partie juste des affaires de philosophie. Hein, pour eux c'est ça, la philosophie. Donc ils se basent juste sur des preuves soi-disant rationnelles, essayer de prouver des choses sur la raison. Et après ils parlent de des noms et des attributs, et là ils disent oui on croit au nom, et on affirme seulement sept parmi des attributs. Et ces attributs là qu'ils prétendent affirmer, ils les affirment même pas comme il faut, c'est-à-dire ils les affirment d'une façon qui est totalement opposée à la voie des salaf. Hein? Donc c'est pour ça. Et les autres attributs, ils font le ta'wil ou le tahrif de ces attributs là. Donc et tu vois que pour les affirmer, ces attributs-là, ils se basent uniquement sur la raison. Ils vont même pas mentionner de dalil, yani du Coran ou de la Sunna pour les affirmer. Donc c'est pour vous montrer que ces gens-là, tu regardes dans leurs livres, tu vois l'explication de leurs livres, et tu dis que subhanallah, on dirait qu'ils ont mis le Coran et la Sunna totalement de côté, puis ils se sont fait une nouvelle aqidah. Donc c'est ça le qui est dommage. Et la plupart des grands personnages, des personnes les plus connues parmi ces soi-disant gens qui font partie des ulama aujourd'hui, considérés par ces gens-là comme étant des ulama, qui sont soit reliés aux Ikhwan Muslimin ou non, il y en a qui sont officiellement ou directement reliés à ce groupe-là, et il y en a d'autres qui ne sont pas reliés à eux directement, mais tu trouves qu'ils enseignent cette aqidah. C'est pour ça que quand tu lis leur livre qui parle d'aqidah, eh bien tu vas pas trouver de mention de tawhid al-ibada ou de tawhid al-uluhiya, uniquement tawhid al-rububiya. Et puis à l'asma au sifat, eh bien tu vas pas en entendre parler excepté pour justement affirmer ces sept attributs là qu'ils ont acceptés, et de les affirmer avec la raison seulement. On ne se parle en se basant sur les versets et les hadiths. Contrairement à Ahl Sunnah wal Jama'a, quand vous regardez un livre qui a été écrit par un des ulama d'Ahl Sunnah, qui essaie d'affirmer ou qui affirme la aqidah des salafs, vous ne trouvez que des hadiths, que des ayats min al-Qur'an. C'est seulement ce que vous allez trouver, rien d'autre. Donc ça montre tout de suite une grande différence entre la conception et la façon d'affirmer et d'établir notre aqidah pour nous Ahl Sunnah wal Jama'a et pour les gens du Bid'ah. eux c'est complètement opposé. Yani, tu vois leurs livres, presque pas de Coran, presque pas de Hadith. Et tu regardes le livre de, par exemple, Ibn Taymiyyah, Al-Aqidat al-Wasitiyya. Yani, subhanallah, dans l'Aqidat al-Wasitiyya, tu as de la difficulté à trouver autre chose que le Coran et le Hadith. C'est tout, قال الله, قال الله, قال الله, قال رسول الله, قال رسول الله, قال رسول الله, subhanallah. Donc c'est basé, cette aqidah est basée là-dessus. Hein? Tu lis les autres livres des autres a'imma, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc notre aqidah, alhamdulillah, elle est basée sur ça. Et c'est ça qui nous distingue. Maintenant tu vois, comme par exemple, tu vas lire les livres des gens comme Qardawi, Muhammad al-Ghazali, et tous ces autres yani, qui sont bien connus aujourd'hui, et que les gens, que ces gens-là qui connaissent pas justement la da'wah salafia vont retourner vers ces gens-là comme étant des références, comme des ulama, ou bien Saïd Ramadan Bouti, hein, ou des gens de cette catégorie-là, et bien vous trouvez que c'est des gens qui penchent vers at-tasawwuf, ou bien qui penchent vers le rationalisme des Mu'tazila, ou bien qui penchent vers justement l'aqid al-ash'ariya, hein, ou bien il y a des tendances de ce genre. Hein, Sayyid Qutb, par exemple, quand vous trouvez dans son tafsir, vous regardez dans son tafsir, il fait le ta'wil des sifat. Hein, la même façon qu'il est Asha'ira. Parce que dans ces écoles-là, c'est ça ce qu'ils enseignent. C'est ce qu'ils enseignent, cette aqida. Alors ils sont élevés là-dessus, ils sont grandis là-dessus. Alors pour eux, le shirk dans l'Uluhiyya, ça n'existe pas dans leurs livres. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais dénoncer les gens qui vont dans les tombes pour adorer les morts. Ils vont pas dénoncer ça en général, hein, dans leur livre, et ils vont pas appeler les gens non plus à abandonner ces pratiques-là. Hein. Et même, il y en a parmi eux qui vont même participer à ces choses-là, qui vont même participer à ces choses-là parmi ces gens-là. Donc c'est juste pour vous donner un exemple. En Égypte, chaque année, il y a environ 3 millions de personnes qui visitent la tombe de Al-Badawi. Hein, un des soi-disant awliya des soufis, 3 millions, subhanallah. Donc c'est presque comme un hajj, hein, ils amènent des animaux pour sacrifier, puis ils font le tawaf, puis ils demandent toutes sortes de choses à ces gens-là. Donc on voit que la gravité de ces gens-là qui se disent des ulama, qui se prétendent ulama, puis qui n'enseignent même pas aux gens le tawhid, subhanallah, et pour eux le tawhid al-ibad ça n'existe même pas. C'est seulement tawhid al-rububiyya. T'as cru qu'il y a un créateur, ça y est, c'est fini. T'es un mouahid. Khalas. Tu vas, a'udhu billah. Donc, le shirk, il dit que, ces gens-là, pour eux, le shirk, c'est que tu dises qu'il y a un autre créateur, ou quelqu'un qui donne la subsistance, ou qui contrôle les choses avec Allah. Si tu crois ça, là, pour eux, t'es un mushrik. Mais, en dehors de ça, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de mushrikine. Hein? Subhanallah, une fois même, je me souviens, j'avais discuté avec un des Ahbash, un des gens de Bid'a parmi les Ahbash, qui appelle les gens au shirk. Et je lui demande, est-ce que vous considérez, parce qu'ils étaient en train d'essayer de donner le da'wah aux chrétiens. Donc j'étais étonné de voir ces gens-là, qui appellent les gens au shirk, essayer d'appeler des chrétiens, qui sont des mushrikines eux aussi, et de les faire quitter le christianisme pour rentrer avec eux. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous considérez que lorsque les chrétiens invoquent Jésus ou Marie, est-ce que vous considérez que ça c'est shirk? Ils ont dit non, c'est pas ça le shirk. J'ai dit subhanallah. Donc ça veut dire pour vous c'est permis d'invoquer Jésus, d'invoquer Marie? Ils ont dit oui, c'est permis. J'ai dit subhanallah. Donc ça veut dire que pour eux, le shirk des chrétiens, c'est uniquement de dire qu'il y a un autre créateur. Ou bien qu'il y a Jésus qui est trois en un, yani, comme ils disent la Trinité. C'est uniquement ça le chef des chrétiens pour eux. Ou bien le fait de dire que Allah que Jésus est Allah. Ou bien de dire que par exemple, yani, que Jésus est le Fils de Dieu. En dehors de ça, les actes d'adoration, les du'as et les autres choses qu'ils font envers Jésus ou Marie ou d'autres saints de l'Église catholique, pour eux ça c'est pas considéré comme étant une forme de shirk. Et ça c'est grave. Et ça c'est grave, subhanallah. Et ça a causé beaucoup de musulmans de s'égarer du droit chemin maintenant. Et on voit qu'il y a certains parmi ces juhal, parmi les égarés qui rentrent même dans la religion des chrétiens. Ils disent Sayyiduna Isa, vous adorez Sayyiduna al-Badawi, Sayyiduna Tijani, et nous on vous appelle à dire Sayyiduna Isa, Sayyiduna Maryam. Hein? Donc c'est comme si c'est juste un changement de wali, hein? Il n'y a pas de vraiment de changement de fondement pour eux, c'est la même chose. Hein? Une seule et même religion, il n'y a pas de différence, c'est juste on change de prophète. Avant on disait Ya Muhammad, maintenant on va dire Ya Isa. Hein? Il pensait que d'invoquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était halal, et d'invoquer Isa aussi c'est halal, et donc toutes ces choses là ça c'est accepté, hein? Il n'y a pas de problème. Donc tu vois le danger et l'égarement de ces croyances là. Donc le cheikh il dit, donc eux ils limitent le shirk au tawhid al-rububiyyah, malgré que le plus dangereux parmi les shirk, les formes de shirk que les messagers sont tous venus pour contrer et pour combattre, c'est le shirk dans l'adoration, le shirk dans l'adoration. Et donc c'est pas uniquement le shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut combattre, mais également le shirk dans et surtout le shirk dans l'adoration, parce que la plupart des êtres humains, comme le shirk explique, la plupart des hommes sur la terre, ils reconnaissent qu'il y a un seul créateur et qu'il y a un seul Dieu. Et c'est dur de trouver des gens qui croient qu'il y a deux dieux dans l'univers, ou trois, ou bien plus, qui contrôlent tout en même temps. Hein? Même pour ceux qui ont plusieurs divinités, et qui ont plein d'idoles, si tu regardes à la base et à la tête, à la pyramide de leur panthéon, là, ou bien de tous les dieux qu'ils possèdent, eh bien, tu vois à la fin, en haut, qu'il y a un qui est plus fort que les autres. Hein? Donc, ça veut dire, ils croient toujours quand même qu'il y a un être qui est suprême parmi les divinités. Donc c'est pour vous dire que en même temps, bon, c'est dur de trouver des gens qui renient complètement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient complètement que yani c'est un seul Dieu qui dirige tout. Le cheikh dit فبعضهم فسر الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط ولا يجعل منه عبادة الأولياء والصالحين. Ça aussi c'est une autre de leurs shubha. Considère que d'adorer les idoles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une forme de shirk. D'adorer les idoles, non, pardon. Il considère que d'adorer les idoles, c'est seulement ça qui est shirk. Mais d'adorer les awliya et les salihin et de les invoquer, ça, pour eux, ça, c'est pas shirk. Et le shirk, il dit, wa hadha ghalat. Ça, c'est une erreur. Fa inna kathiran min al-mushrikin la ya'buduna al-asnam wa innama ya'buduna al-awliya wa al-salihin wa yattakhiduna quburahum masajid wa yastaghithuna bihim ila ghayri dhalik. Parce que beaucoup des mouchriquines, ils n'adorent pas d'idoles, mais ils adorent les awliyas, les saints, les salihins, les gens pieux, et ils prennent leur tombe comme des mosquées, et ils cherchent le secours de ces êtres-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi de ça. Après le cheikh, il dit, bayan ou ma'an al-kufr, lughatan wa shar'an. Il dit, l'explication du kufr, dans la langue arabe et dans la religion. الكفر في اللغة يطلق ويراد به ستر الشيء وكفر شيء وكفر كذا أي ستره. Donc dans l'arabe quand on dit الكفر ça veut dire de cacher quelque chose. كفر كذا ça veut dire ستره. يعني quand tu dis quelqu'un a كفر ça veut dire il a ستره, il a recouvert quelque chose. ومنه سمي الزراء كافرا لأنه يخفي البذور في الأرض ويدفنها والكفر في اللغة هو الستر. Donc c'est ça. Comme le cultivateur, on l'appelle kafir en arabe. Pourquoi? Parce que il prend une graine et il la met dans la terre puis il la recouvre. Donc dans la langue arabe, le kufr c'est de recouvrer quelque chose. Et le cheikh il dit وقد جاء في تفسير قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لأن الكفار الزراع والمشهور أن المراد بالكفار أصحاب الكفر الملي وأنه لا يبغض الصحابة إلا كافر وهذا هو المشهور. Donc le cheikh il dit que on a rapporté dans le tafsir du verset dans surat al-Fath, le verset 29, يعجب الزراع, il éblouit le cultivateur, il y arrive à bihim al-kuffar, et pour mettre la colère dans les kuffars, dans le cœur des kuffars. Et le chef dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ce verset là, il y en a qui ont dit que ça, les koufars, c'est les cultivateurs. Mais, bien entendu, qu'est-ce qui est plus connu, c'est que les koufars sont, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Allah. Et ceux, parce que ceux qui détestent les sahaba, comme dans ce verset-là, on parle des sahaba, eh ben, yani, c'est les koufars. Celui qui déteste les sahaba, c'est un kafir. Et ça, c'est qu'est-ce qui est le plus connu. Après, il dit, وَفِي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. C'est comme une pluie qui, yani, a ébloui, yani, une pluie qui a ébloui les, yani, en fait, c'est la poussée des plants qui a ébloui les koufars, yani, c'est-à-dire la pluie qui fait pousser les plantes, et ça, ça éblouit les koufars. Et dans ce verset-là, le cheikh dit, قَالُوا الْمُرَادُ بِالْكُفَّارِ هُنَا الزُّرَّارِ. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est les cultivateurs. يُعْجَبُونَ بِالنَّبَاتِ الَّذِي يَنْبُتُهُ اللَّهِ. Ils sont éblouis par les plantes qu'Allah fait pousser. وَهَذَا كُفْرٌ لُغَوِي. Ça, c'est un kufr dans la langue. أَمَّا الْكُفْرُ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ ضِدُّ الْإِيمَانِ وَهُوَ جَحْدُ الدِّينِ الْحَقِّ وَسَتْرُهُ وَسُمِّيَ كُفْرًا لِأَنَّ فِيهِ سَتْرًا لِلْحَقِّ وَجَحْدًا لَهُ. On appelle dans la religion le kufr, c'est le contraire de la foi, et c'est de rejeter la religion de vérité et de la camoufler. Et on l'appelle kufr parce que c'est de cacher la vérité et de la renier, de la rejeter. D'accord? Donc ça, c'est le principe de kufr. Et le cheikh, il dit aqsamul kufri anwa wa anwa'u. Les catégories de kufr et ses différentes formes, ses différentes façons. Le cheikh, il dit al kufr qisman fi al asl. Kufr akbar mukhrij min al milla wa kufr asghar la yukhrij min al milla wa al kufr al akbar anwa'u kathira minha. Donc le cheikh dit que si on veut, à la base, il y a deux formes de kufr, ou deux catégories de kufr. Un kufr qui est majeur, qui fait sortir de la religion, et un kufr mineur, qui ne fait pas sortir de la religion. Et le kufr akbar, le kufr qui est majeur, il a différentes catégories. La première catégorie de kufr akbar, c'est kufr al-juhud. وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ مَعْرِفَةٌ لِلْحَقِّ فِي قُلُوبِهِمْ ويقين به ولكن يجحدونه ظاهرا إما عنادا أو تكبرا وإما لأجل طمع في رئاسة أو غير ذلك. وعلى هذا غالب الكفار كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Donc le cheikh, il explique et il dit que la première forme de kufr, c'est kufr al-juhud, c'est le kufr par négation. Et par négation, il dit que c'est-à-dire que la personne ou ces gens-là, ils connaissent la vérité. Ils savent la vérité, c'est-à-dire dans leur cœur, ils sont convaincus que l'islam, c'est vrai. Donc, ça montre en même temps que le fait de connaître l'islam et de connaître que c'est la vérité, ça ne fait pas de toi un mu'min automatiquement. Le cheikh, il dit, ils le connaissent, ils le connaissent, dans leur cœur, ils y croient, sauf qu'ils refusent de l'accepter, ils le renient ouvertement. Extérieurement, ils le rejettent. Intérieurement, il croit que c'est la vérité. Hein? Le contraire du munafiq, c'est le contraire du munafiq. Le munafiq, il montre qu'il croit, puis dans son cœur, il le rejette. Eh bien, celui-là, c'est le contraire. Dans son cœur, il ne croit pas, et extérieurement, dans son cœur, il croit, il montre qu'il sait que c'est la vérité, il est convaincu de ça, mais extérieurement, il le rejette, soit par refus, ou soit par orgueil. Hein? Ou bien parce qu'il souhaite quelque chose, il veut du pouvoir dans cette dunya, hein? Et il aime le pouvoir, il aime la vie, alors il préfère rejeter par orgueil, par fierté, par refus, que d'accepter de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit que ça, c'est la majorité des koufars, c'est ça leur situation. Il mentionne des versets dans le Coran, comme par exemple Suratul An'am, le verset 33, qui dit et nous savons que ça te rend triste de voir d'entendre ce qu'ils disent. Mais sache que eux, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteurs, mais en réalité, ces gens-là qui sont injustes, ce sont uniquement les versets d'Allah qu'ils renient. Hein? Donc en voulant dire que ils savent toi, que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas un menteur et que ce que tu dis c'est la vérité, que tu es une personne honnête et fiable et que tu dis juste la vérité. Sauf que ces gens-là, c'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est pas qu'ils te traitent de menteur. Mais le problème, c'est qu'ils refusent d'accepter ce qui vient d'Allah et ils le renient. Ils veulent pas se soumettre. C'est ça la réalité de ces gens-là. Et après, un autre verset dans Surat An-Naml, le verset 14, à propos de Pharaon, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils ont renié la vérité, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Mais ils l'ont renié par injustice et par fierté. Alors regarde que fut la conclusion de ces gens qui sèment le désordre sur la terre. Aqibatul Mufsidin. Après, le cheikh dit فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Allah il a dit que dans leur âme, dans leur cœur, ils y croyaient avec conviction. وَلَكِنْ جَحَدُوهَا ظُلْمًا وَعُلُوًا. من أجل الظلم والعلو على الناس. Parce qu'ils aiment l'injustice et ils aiment se monter, être au-dessus des autres, monter qu'ils sont puissants par-dessus les autres. وهذا يسمى كفر الجحود. C'est ça qu'on appelle le kufr le fait de renier, de la négation, kufr du rejet. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Ça c'est dans Surat al-Isra, le verset 129, le verset 102, pardon. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. Comme autant de preuves claires et certaines. Yani. Mais toi, yani, il dit, oh Pharaon, je te crois parmi les gens qui sont perdus. Donc ça veut dire que yani, Moussa il s'adresse à Pharaon en lui disant ça et en lui disant que tu sais très bien que ça c'est uniquement Allah qui a fait descendre ces miracles-là et ces preuves-là. Il montre qu'il le nie, mais au fond de lui-même il sait que c'est uniquement d'Allah que ça vient. Yani. Et فعلم فرعون أن ما جاء به موسى هو الحق ولكنه يتظاهر بإنكاره ظلما وعلوا وإبقاء على ملكه كما زعم. ولهذا قال له الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Et c'est dans Surat Al-A'raf, le verset 127. Non. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser et toi et tes divinités? Donc tu vois comment les notables essaient encore plus de monter la tête de Pharaon contre Moussa, pour le faire rejeter, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est parce qu'ils rejettent la vérité, même s'ils savent que c'est la vérité. وَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ. Subhanallah, ça c'est Pharaon qui dit ça. Et je ne connais pas pour vous d'autres divinités que moi-même. Et ça c'est Pharaon qui se prétend être une divinité lui-même. فَهُوَ يَكْذِبُ فِي هَذَا. Il ment, il sait très bien que c'est pas vrai, yani, qu'il n'est pas une divinité, et que c'est Allah seul le créateur, mais yani, il le rejette par orgueil et par fierté. لأن العقلاء يقرون جميعا بأن هذا الخلق له خالق مدبر وأن فرعون لم يخلق شيئا ولم يدبر شيئا وليس له ربوبية وإنما الربوبية للخالق سبحانه وتعالى ولكن الذي حمله على هذا الكبر والإبقاء على ملكه وهذا كفر الجحود. Donc يعني tout le monde, toute personne qui possède une raison sait que il y a un créateur pour le monde et qui est pour ce monde, et que c'est lui qui contrôle tout, et que Pharaon n'a rien créé et qui ne contrôle rien de qu'est-ce que Allah a créé, et que il n'a rien de la souveraineté dans la création, et que la souveraineté est uniquement pour le créateur d'Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est uniquement Allah qui a cette souveraineté là. Donc ce qui l'a amené Pharaon à prétendre justement la divinité, c'est al-kibr, la fierté, et le fait de vouloir rester au pouvoir de son royaume. C'est ça le kufr de al-juhud. Deuxième forme de kufr, c'est kufr takdhib, le kufr de la négation, de traiter quelque chose de mensonge, hein, tu le renies parce que tu dis que c'est un mensonge. وذلك كما في قوله تعالى من ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين سماهم كافرين بسبب أنهم كذبوا بآيات الله وكذبوا بالحق لما جاءهم ولما جاءهم رسول الله كذبوه وقالوا ساحر كذاب كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما كذب أو كما كذب غيرهم من الأمم رسلهم قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقال كذبت عاد المرسلين وقال كذبت ثمود المرسلين وقال كذبت قوم لوط المرسلين. هذا كفر التكذيب. Donc le cheikh il dit que dans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est plus injuste que celui qui qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah, ou qui traite la vérité de mensonge après qu'elle lui soit arrivée, qu'elle lui soit venue, hein? N'est-ce pas que c'est l'enfer qui est la destination des kafirines? La destination des kafirines, c'est l'enfer. Donc, certes, c'est l'enfer. Et le cheikh, il dit que Allah les a appelés kafirines, des mécréants, parce qu'ils ont traité de mensonges les signes et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont rejeté ou traité de mensonges la vérité lorsqu'elle leur est venue. Et lorsqu'elle leur est venue, le messager d'Allah, ils l'ont traité de menteur et ils ont dit, sahirun kadhab, un magicien menteur. Et ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, comme les autres messagers ont traité les autres messagers qui sont allés vers leur peuple, ont traité également leurs messagers de menteurs, comme les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans sourate Ash-Shu'ara. On voit que à chaque fois que Allah parle d'un prophète, il dit que il a été démenti ou traité de menteur par son peuple, comme Noah, Aad, Thamoud, Lout et beaucoup d'autres, hein, ils ont tous traité, leur peuple les ont tous traités de menteurs. Thalithan, troisièmement, kufr al-shakki wal-dhan, le kufr du doute et de yani, l'incertitude. Le cheikh il dit bi'an yakuna shakkan fima ja'at bihi ar-rusul wa yadhunnu annahum 'ala ghayri haqq. وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته. نعم. Donc il s'arrête ici, et ça c'est l'histoire qui est rapportée dans sourate Al-Kahf. Dans sourate Al-Kahf, et donnez-leur l'exemple de deux hommes. L'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les deux des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits, et dit à son compagnon, Et il dit alors à son compagnon avec qui il conversait, « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi dans mon clan. » Et il entra dans son jardin. Donc le cheikh dit, « Ya'ni, bustanuhu, alladhi fihi l'ashjar ou l'anhar, fa'ujiba bih. » C'est-à-dire il est rentré dans son jardin avec des arbres et des ruisseaux, donc il était ébloui par ce qu'il possédait. Et il continue le verset, le cheikh en disant, wa huwa zalimun li nafsi, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Tu vois? Donc là, il disait quoi? Il entra dans son jardin coupable envers lui-même, injuste envers lui-même, à cause de sa mécréance. Et il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Il pense maintenant que son bien est éternel. Il dit, et je ne pense pas que l'heure viendra. Commence à douter de l'heure, subhanallah, parce qu'il est trop bien dans cette dunya. Il pense que l'heure ne viendra jamais. Chaque fil yom l'akhir, ou chaque fil ba'ath. Et il a douté en la résurrection. Commence à douter de ces choses-là parce qu'il a été ébloui par ce qu'il possédait de la dunya. Après le cheikh, il continue le verset et dit, voilà une redite. ورددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا سبحان الله. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Donc سبحان الله. Le cheikh il dit, يقول إن بعثت يعني هذا احتمال عنده. C'est comme pour lui là, il dit si je suis ressuscité par la suite, c'est-à-dire ça c'est comme une sorte de supposition ou yani comment on pourrait dire ihtimal. C'est une possibilité, yani si jamais je suis ressuscité, fa'ajidu fil akhirah ahsan min hadhihi. لأن الله تعالى ما أعطاني هذه الجنة في الدنيا إلا لكرامتي لكرامتي عليه ومنزلتي عنده. فإذا بعثت على فرض وجود بعث بعد الموت إذا بعثت سأجد خيرا منقلبا عند الله وهذا شك والعياذ بالله. Ça c'est l'attitude de celui qui prend la religion comme une police d'assurance. Celui qui prend la croyance en l'au-delà comme une police d'assurance. C'est-à-dire, je vais vivre dans la dunya comme je veux, je vais avoir des doutes à l'akhira et tout, mais si jamais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, bon, là, dans ce cas-là, ben, au moins, j'aurai une place préparée pour moi, et yani, ce sera quelque chose qui va me sauver de l'enfer. Donc, il a des doutes à l'akhira, mais il veut quand même prétendre yani qu'il a une place dans l'akhira. Donc, le cheikh, il dit, si je suis ressuscité et qu'il y a possiblement une résurrection, je vais trouver dans l'au-delà quelque chose de mieux que ce jardin-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai tout ça dans cette dunya, si j'ai ce beau jardin-là dans cette dunya, c'est uniquement à cause de ma noblesse, de la position de noblesse que j'ai auprès d'Allah, et à cause de mon statut auprès de lui, étant donné qu'il m'a donné ça, c'est parce qu'il m'aime. Et donc, si je suis ressuscité, si jamais il y en a, si jamais ça existe, cette résurrection-là après la mort, eh bien, il va me ressusciter et je vais trouver une meilleure conclusion ou quelque chose de mieux encore dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit que ça, c'est un doute de sa part. C'est un doute de sa part du fait qu'il doute en la résurrection et le cheikh, il dit que ça, c'est kufr. كما قال تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له أكفرت لأن من شك أو ظن وبنى عقيدته على الظن والشك فهو كافر لأن الإيمان باليوم الآخر وغيره من أركان الإيمان لا بد فيه من اليقين وإلا يكون الإنسان كافرا. Ça c'est une chose très importante, parce que de nos jours là, surtout avec ce que les koufars enseignent de philosophie là, ils basent leur religion sur le doute, ils basent en fait toutes leurs croyances ou leurs positions sur le doute, et ils condamnent même la certitude. Ils considèrent pour eux que d'être certain de quelque chose, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mauvais pour eux. Et j'ai entendu souvent des commentaires de certains d'entre eux qui disent, il y a personne qui me fait plus peur qu'une personne convaincue ou qu'une personne qui a une certitude. Donc, pour eux, la certitude, c'est mauvais. Et le doute est glorifié pour eux. Ça, c'est la position de ces gens-là. Et c'est dommage. Mais en même temps, ça explique la raison pourquoi ils sont dans tant de conflits intérieurs, puis tant de désespoir, puis tant de misère, et tant de mécréance et d'égarement. Et pourquoi il y a tant de suicides parmi ces gens-là? Parce qu'ils se basent toujours sur le doute. Ils n'ont aucune certitude en quoi que ce soit. Donc, le chef, il explique et il dit que, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que son compagnon lui a dit, tout en discutant avec lui, « Serais-tu mécréant? Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? » Hein? Donc, yani, l'autre, qui était un mu'min, lui a dit, yani, est-ce que tu as rejeté la foi, hein, ton Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il a douté. Ou il a été incertain. Et il a basé sa croyance, ou sa aqida, sur le doute et l'incertitude. Donc, le cheikh dit, celui qui base sa croyance sur le doute et l'incertitude, il est kafir. Car la foi en le jour dernier doit être, et la foi en le jour dernier et autre chose, c'est-à-dire tous les autres piliers de la foi, doivent être établis sur la certitude. Tu dois être certain de ces piliers-là. Tu ne dois avoir aucun doute en ces choses-là, sinon tu es kafir. Hein? Ça c'est incroyable. Donc pour les koufars, d'avoir une certitude, c'est impossible. Ils croient que c'est impossible. Alors que pour nous, yani, c'est obligatoire d'avoir la certitude dans cette croyance-là, sinon on n'est pas croyant. Hein? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et même, j'ai lu que certains des Sahaba, quand ils faisaient shahad, ils disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, est-ce que tu vois le soleil dans le ciel? Et là, le Sahaba, il dit oui. Il dit, de cette façon-là, tu dois témoigner de la ilaha illallah. C'est-à-dire, tu dois témoigner de la ilaha illallah avec autant de certitude que tu vois le soleil dans le ciel. Subhanallah. Donc, c'est comme ça que tu dois être rempli de certitude et de conviction en ce que tu prétends et en ce que tu montres de foi. Non. Et comme troisième catégorie de kufr, le cheikh il dit kufr al-i'rad. Al-kufr al-i'rad, c'est-à-dire quoi? Ay al-i'rad an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Le kufr de l'i'rad, c'est quoi? Le kufr du détournement. C'est-à-dire la personne qui se détourne entièrement de la religion. Il ne l'apprend pas, il n'apprend pas la religion d'Allah et il ne la pratique pas du tout. Hein, il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. C'est comme pour eux, la religion ça n'existe même pas presque. C'est-à-dire, c'est une identité culturelle. Tu vois ça beaucoup chez les musulmans aujourd'hui. Et allez, pour eux, l'islam, c'est un héritage culturel qu'ils ont reçu de leur pays. Hein, ils ne la pratiquent pas, et ils ne l'apprennent pas, et ils ne veulent rien savoir. Ils ne sont pas contre la religion, mais ils ne sont pas pour non plus. Ils sont neutres. Ouais, mes parents, mes ancêtres, oui, on était musulmans, mais nous, bon, pour moi, c'est pas ça qui est important pour moi dans la vie, là. C'est quelque chose pour eux, yani, secondaire. Et le cheikh, il donne comme preuve de ça, il dit, قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. C'est dans surat Al-Ahqaf, le verset 3. Tandis que les mécréants, ils se détournent de ce au sujet de quoi ils sont avertis, hein, les choses auxquelles, au sujet desquelles on les avertit, au-delà, etc., et de la foi et tout, et bien eux ils s'en détournent. Et le cheikh dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَمَّاهُمْ كَافِرِينَ لِيَعْرَادِهِمْ عَمَّا أُنْزِرُوا بِهِ فَهُمْ مُعْرِدُونَ لَا يَهْتَمُّونَ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ الدِّينَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ وَلَوْ تَعَلَّمُوا لا يعملون به فهذا هو كفر الإعراض. Le cheikh il dit Allah les a appelés des mécréants, il a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Donc c'est à dire que ce sont des mécréants et ils sont mécréants pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de ce au sujet de quoi ils ont été avertis dans le Coran et ils se détournent donc de la religion, ils ne s'en intéressent pas, ils ne sont pas ils ne considèrent pas la religion comme étant quelque chose d'important. Ils ne l'apprennent pas, ils n'apprennent pas la religion, et ils ne la pratiquent pas non plus. Et si ils l'apprennent, ils ne l'appliquent pas. Donc ça, le cheikh il dit que c'est le kufr de Al-Irad. Et ça, c'est le dixième, en fait, parmi les, dans la, si vous lisez le Nawaqid de l'Islam, qui a été compilé par le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, c'est le Nawaqid, parmi les Nawaqid de l'Islam, les choses qui annulent l'Islam, c'est le numéro 10. C'est-à-dire le dernier qu'il a donné comme exemple, c'est celui-là. Après, le cheikh il dit, Khamisan, la cinquième catégorie de kufr. Le cheikh il dit, kufr nifaq, wa l'iyadu billah. النفاق الاعتقادي. Donc ça c'est la cinquième catégorie de kufr, c'est le kufr de l'hypocrisie. Il dit que ça c'est c'est-à-dire c'est l'hypocrisie dans le cœur, celle qui est dans le cœur, pas l'hypocrisie dans les actions. Par exemple, de mentir, de manquer à sa parole, des choses de ce genre. Ça c'est des formes d'hypocrisie, mais l'hypocrisie mineure. Celle-là, c'est la, celle dont on parle, c'est l'hypocrisie majeure. Cheikh il dit, فَالْمُنَافِقُونَ كُفَّارٌ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ لَكِنَّهُمْ كُفَّارٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ وَيُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ. Donc ceux-là, c'est des gens qui sont des munafiqoun, ils sont des kuffars, ils montrent qu'ils sont musulmans, mais au fond de leur cœur, ils sont des kuffars. Et dans leur croyance, ils sont des kuffars, ils croient pas à l'islam, ou bien ils croient à qu'est-ce qui est contraire à l'islam. Et ils montrent, ils font croire à l'extérieur qu'ils sont des musulmans. Donc, le cheikh dit, Wallah subhanahu wa ta'ala bayyana hal al-munafiqina faqala subhana, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakathibun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. Donc le cheikh dit dans sourate al-munafiqun, parce qu'il y a une sourate dans le Coran qui est dédiée aux hypocrites, munafiqin, on l'appelle sourate al-munafiqun. Et là il a cité le verset de 1 à 3 et il dit le verset dit, et lorsque les munafiqin, les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Puis Allah dit, et Allah sait, et Allah sait que, certes, tu es son messager. Et Allah témoigne que ces hypocrites-là sont des menteurs. Ils ont pris leur serment comme un bouclier, pour se protéger. Leur témoignage de la ilaha illallah, ils ont pris ça comme un bouclier pour se protéger. Et ils ont obstrué le chemin d'Allah. Hein, comme est mauvais ce qu'ils ont œuvré. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, puis par la suite ils ont mécru. Le cheikh il dit, amanu bi al-sinatihim wa kafaru bi qulubihim. C'est-à-dire ils ont cru avec leur langue, mais ils ont mécru avec leur cœur. Wa l'iyadu billah. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Et leur cœur a été scellé. Et donc ils ne peuvent plus comprendre quoi que ce soit. هذا هو النفاق. Voilà l'hypocrisie. أن يتظاهر الإنسان بالإسلام ويبطن في قلبه الكفر وهو إنما يظهر الإيمان نفاقا من أجل أن يعيش مع المسلمين. Et lui, yani, il montre qu'il est musulman, mais dans son cœur il cache le kufr. Et il montre uniquement la foi de façon hypocrite, dans le but de rester et de vivre parmi les musulmans. Et ça, il y en a beaucoup dans les pays musulmans actuellement. Ils sont, et des fois même, je me demande si certains juifs, à travers les âges, n'ont pas, ceux qui vivaient parmi les musulmans, pour se faire accepter dans la société musulmane, je me demande si certains d'entre eux n'ont pas adopté l'islam, et au fond en réalité, ils ont gardé leur croyance juive au fond d'eux, et puis à l'extérieur, ils essaient de se faire passer pour des musulmans. Et là, tu les vois aujourd'hui, étant donné que les musulmans sont dans une position de faiblesse, ils montrent ouvertement toutes les contradictions et les oppositions à l'islam, tout en prétendant continuer à être des musulmans. Parce que s'ils montrent qu'ils sont des koufars, ils ne pourront pas se marier avec des musulmanes, hein, ils pourront pas faire ce qu'ils veulent faire, se faire enterrer chez les musulmans et tout ça, et avoir le respect et tout ça, donc des musulmans. Donc ils cachent leur mécréance. Entre eux, ils vont dire, par exemple, oui, ils disent à leurs petits enfants, nous on est des juifs et tout, mais il faut pas le dire. Des exemples de choses comme ça. Et puis, au fond, en réalité, c'est des koufars. Et il y en a beaucoup d'entre ces gens-là, ils entrent dans l'islam par des portes de bid'a. Ils rentrent, les munafiqines et les zanadiqa, ils entrent dans l'islam par les bid'a. Ils rentrent, par exemple, par les shi'a, al-rafida. Vous trouvez, par exemple, dans les batiniyoun, hein, les ismaïlites, et les durouz et les nusayriya. Et allez, vous trouvez des gens qui rentrent dans ces religions-là, ils se permettent tout. Ils croient que tout est halal, et ils croient même pas en le Coran, et ils croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez chez les soufis, la même chose. Les formes de zanadiqa, les formes de kofri, qui n'existent même pas chez les juifs et les chrétiens, vous les trouvez chez certains parmi les soufis. C'est incroyable. Et ils se donnent une image extérieure de piété, comme si c'est des gens qui aiment Allah, puis qui font le zikr. Mais quand tu rentres plus en détail, plus en profondeur dans leurs croyances réelles et dans leurs pratiques réelles, et là tu découvres en réalité que tout ce qu'ils cachent, en réalité c'est le kufr. Subhanallah, a'ouzou billah. Yani, ils croient qu'ils sont Allah eux-mêmes. Et ils croient que leur chayour, ce sont des dieux, yani. Et en fait, ils croient que tout est Dieu. Donc c'est des gens, des gens vraiment dangereux. Et étant donné qu'ils se sont infiltrés dans les sociétés musulmanes, et qu'ils ont trouvé des gens de dalal parmi les musulmans qui défendent ces positions-là, eh bien, ils ont été capables facilement d'entrer dans ces groupes-là, et de rester sur leur coffre, et de prétendre l'islam, et d'avoir les privilèges des musulmans, mais tout en restant intérieurement dans leur hypocrisie. C'est pour ça que maintenant on trouve toutes sortes de musulmans, comme des laïcs, ou des gens de ces catégories-là, qui ont été souvent élevés dans le soufisme, grandis dans le soufisme, et puis par la suite, ils ont trouvé dans la laïcité la voie parfaite pour être capable de satisfaire toutes leurs passions et leurs désirs, et de suivre l'égarement et d'appeler à l'égarement. Donc Allah al-Musta'an. Cheikh, il dit par la suite, لأنه لا يقدر على مجابهة المؤمنين ولا يقدر على مفارقتهم فاضطر إلى أن ينافق والعياذ بالله. C'est ça. Quand les musulmans sont forts, ils sont pas capables d'opposer directement les musulmans, les mu'minines, les croyants. Alors, il n'est pas capable non plus de s'en séparer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cache son hypocrisie ou sa mécréance, il la cache et il fait son hypocrite. Que Allah nous en protège. Et beaucoup de bid'as sont apparus comme ça, comme par exemple Abdullah ibn Saba. C'était un juif qui s'est fait passer pour un musulman, puis qui a commencé à semer plein de mélanges dans les croyances des gens à propos de Ali, et c'est de là qu'est venue la religion des chiites. La religion des Shi'a Rafida, c'est venu de Abdullah ibn Saba, qui était un juif. Donc, et il y a beaucoup d'autres firqas et des gens de Bédak qui sont apparus à cause des gens comme ça. Il y en a, par exemple, c'était venu par des chrétiens qui se sont fait convertir à l'islam, juste en apparence, puis qui ont commencé à semer toutes sortes de doutes et toutes sortes de faussetés parmi les musulmans. Il y en a des fois, c'était des Majus, des Zoroastriens, ou des gens de d'autres croyances, qui rentre dans l'islam avec l'hypocrisie, dans le but de détruire l'islam par l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'il y ait des gens, des soi-disant douates, qui refusent qu'on critique les bid'as et qu'on critique certaines personnes qui appellent aux bid'as et qui disent que ça c'est pas bon, que c'est de la médisance, des choses comme ça. Ils refusent qu'on dénonce ces gens-là. Et en refusant ça, en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aider à la destruction de l'islam. Parce que ces gens-là, ils rentrent, on ne sait pas, ils ne peuvent pas savoir, est-ce que ces gens-là rentrent avec sincérité dans l'islam, ou bien est-ce que ces gens-là qui appellent à ces bid'as sont sincères dans l'islam, et c'est juste qu'ils sont ignorants, ou bien qu'ils ont fait une erreur, ou bien ils veulent intentionnellement égarer les gens. Et pour arriver à savoir ça, c'est d'aller et tu vas donner le nasiha à cette personne qui fait des bid'ahs, qui fait des erreurs, mais si la personne persiste à les faire et refuse de revenir, là tout de suite tu vois qu'il y a autre chose qu'une simple ignorance. Hein? Il y a d'autres choses là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut avertir contre ceux qui appellent à des bid'ahs de ce genre. Parce que c'est relié à l'hypocrisie. Et le cheikh, il dit que l'hypocrisie est de deux catégories. أقسام النفاق النفاق ينقسم إلى قسمين نفاق اعتقادي وهو كفر ونفاق عملي وليس اعتقاديا. Donc le cheikh dit il y a deux formes de nifaq. Nifaq qui est dans la croyance, qui est kufr, et une autre forme de nifaq qui est dans les actions et qui n'est pas dans les croyances. ويكون الإنسان في قلبه مؤمنا في وفي أغلب أغلب أعماله مؤمنا ولكن يقول بعض الأقوال أو بعض أقوال المنافقين أو يتصف ببعض صفاتهم فهذا نفاق عملي. C'est-à-dire le nifaq amali, le nifaq dans les actions qui n'est pas dans les croyances, c'est une personne par exemple qui dans son cœur il est croyant et dans la plupart de ses actions également, tu sais, il fait la salat, il fait la zakat, il pratique les règles de l'islam. Sauf que il a certaines paroles qui sont parfois des paroles des munafiqines et il a parfois certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques des munafiqines. On appelle cette forme de nifaq là un nifaq dans les actions et c'est un nifaq mineur. Ça te fait pas sortir de l'islam. Cheikh il dit ولكن إذا كثر في الإنسان ربما يجره إلى النفاق الأكبر. Mais par contre, si ces caractéristiques-là commencent à devenir trop nombreuses dans une personne, ça peut l'apporter ou ça peut l'amener à tomber dans le nifaq majeur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ayatul munafiq thalath. Le signe de l'hypocrite sont trois. Les signes du munafiq sont trois. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي رواية زيادة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. D'accord. Donc le cheikh il dit les signes d'un hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il promet il manque à sa promesse, et lorsqu'il on lui donne un dépôt ou quelque chose à prendre en charge, il trahit sa promesse. Hein, s'il prend un serment, dans une autre version, s'il prend un serment, il trahit son serment. S'il dispute avec quelqu'un, il prononce des paroles de perversion, ou il dit des mauvais mots, des insultes. Hein, et donc ça, ces hadiths-là sont authentiques. Et dans une autre version, également, il y a un ajout qui dit, même s'il prie, même s'il prie, et qu'il pense qu'il est musulman. Ça, c'est dans une autre narration qui est authentique et qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Omar. Ensuite, le cheikh, il continue et il explique, il dit, وَقَدْ يَصْدُرُ بَعْدُ وَقَدْ يَصْدُرُ بَعْدُ صفات النفاق فيكون فيهم نفاق أصغر ويجتمع فيهم إيمان ونفاق كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فقوله كان منافقا خالصا يدل على أن خصال النفاق إذا كثرت ربما أخرجته إلى النفاق الأكبر فيكون منافقا خالصا. Donc le cheikh il dit que des fois une personne peut avoir certaines caractéristiques du nifaq, mais il n'est pas c'est un nifaq mineur, et parce que en lui il a de la foi et il a de l'hypocrisie ensemble. Comme par exemple le hadith qui dit il y a quatre choses. Si elles sont présentes dans une personne en même temps, il est un pur munafiq, un pur hypocrite. Mais s'il en possède une d'entre elles, il a uniquement une caractéristique ou une forme de nifaq jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Et il a donné les caractéristiques qu'on a mentionnées tout à l'heure. Ensuite, il dit, et le cheikh il dit que ça prouve, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est un pur munafiq, ça prouve que si toutes ces caractéristiques-là sont rassemblées dans une personne, ça peut arriver à le faire amener à l'hypocrisie majeure. فيكون منافقا خالصا et il devient un pur hypocrite. فإذا كان فيه واحدة منها فلا يكون منافقا خالصا وإنما يكون فيه شيء من النفاق على كل حال فالنفاق أمره خطير جدا. Le cheikh il dit de toute façon, il dit, ça veut dire que la personne, si elle a juste une de ces caractéristiques-là, ben il ne va pas être complètement un hypocrite, mais il aura juste une de ces caractéristiques. Et de toute façon, le nifaq, l'hypocrisie, c'est très dangereux. Il y a un exemple aussi du hadith qui dit, من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Donc ça c'est un exemple qui montre ça aussi, que quelqu'un qui n'a pas eu l'intention de combattre et qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a pas combattu et qui n'a pas eu l'intention de le faire, il meurt sur une branche de l'hypocrisie. Donc ça prouve que il n'est pas hypocrite, mais il a une branche de l'hypocrisie. Cheikh il dit ensuite هذا هو الكفر وهذه أنواعه المهمة كما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Donc il dit voilà la mécréance et voici ses catégories les plus importantes comme Allah subhanahu wa ta'ala les a clarifiées dans le Coran al-Karim. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui et puis on continuera inshallah la semaine prochaine, la samedi prochain. Parce que les autres points qui suivent sont encore plus c'est un petit peu plus détaillé sur d'autres questions. Et si on commence maintenant, on ne pourra pas s'arrêter. Donc c'est mieux d'arrêter ici, inshallah. On continue la semaine prochaine. Bi-iznillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم كالله يبنيس كي vous augmente en connaissance et en compréhension qu'il vous protège de toute forme de kufr et de shirk et qu'il vous guide et qu'il vous remplisse votre cœur de iman et de foi et qu'il vous garde sur sa religion, sur l'islam avec fermeté et compréhension et également sur la sunna et qu'il vous protège de toute bid'a et de tous les gens de bid'a. Alhamdulillah. Donc je vous laisse et à la prochaine inchallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.